France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, cinquième et dernier épisode de notre série de récits en temps réel des grands événements de notre histoire. Après le 6 février 34, la bataille de Dunkerque en 40, les accords d'Évian en 62 et le 13 mai en 68, aujourd'hui, 17 et 18 septembre 1981, dernière cigarette pour la guillotine. Aux yeux de la loi, la peine de mort a été abolie le 9 octobre 81, quelques jours après que le Sénat a voté le projet du garde des Sceaux, Robert Badinter. En réalité, les Français avaient pris acte de cette réforme majeure le 10 mai, le jour de l'élection de François Mitterrand, puisque le candidat socialiste s'était exprimé contre la peine capitale pendant la campagne. Mais pour l'histoire, l'abolition date bien des 17 et 18 septembre, deux jours durant lesquels les Français assistent heure par heure en direct au débat à l'Assemblée. Lorsque le 17, Robert Badinter prononce son discours sur l'abolition de la peine de mort en France, il fait entrer son pays dans le club des nations civilisées. Pas moins. Notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Lahour, historien, documentariste et scénariste, auteur du livre « Histoire de l'abolition de la peine de mort, 200 ans de combat » chez Perrin, en 2011. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Palais de l'Élysée, 26 août 1981, début d'après-midi. Le Conseil des ministres a duré 3 heures. C'est le plus important depuis l'élection de François Mitterrand, 3 mois plus tôt, parce que c'est celui de la rentrée. Les ministres descendent les marches du perron. Il y a là Pierre Mauroy, Premier ministre, Gaston Defferre, Michel Rocard, Jacques Delors, tous des professionnels de la politique. Mais derrière eux, il y a un homme un peu plus intimidé. Lui n'a jamais participé à aucun gouvernement, il n'a même jamais gagné la moindre élection. Il est pourtant garde des Sceaux, c'est Robert Badinter. Devenu ministre, il a participé à son premier conseil 2 mois plus tôt. C'était la deuxième fois qu'il entrait à l'Élysée. La première, c'était en 1972, pour demander au président Pompidou la grâce d'un condamné à mort qui s'appelait Roger Bontemps. Badinter était son avocat et Pompidou avait refusé. L'accusé avait été guillotiné le 28 novembre 72 à 4h du matin à la prison de la Santé. Depuis, Robert Badinter est devenu l'incarnation de l'abolition, le plus grand opposant à la peine de mort. Ce qui fait de lui, pour les uns, un grand homme, pour d'autres, le meilleur ami des assassins. Et si, à 53 ans, il a été nommé garde des Sceaux, c'est que François Mitterrand a voulu que ce soit lui qui porte la loi abolissant la peine de mort et personne d'autre. Tout était dit, tout était clair, dit Badinter. Si François Mitterrand était élu, l'abolition était certaine. La peine de mort vacille. Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing, avaient été pressés de l'abolir. Mais ils n'ont pas voulu, ou pas osé. Dans la logique de son discours de campagne, l'une des premières décisions de François Mitterrand est de gracier un condamné à mort. Il ne manque plus qu'une loi pour rayer définitivement du code pénal l'article 12 qui dit « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Ce qui permettra au passage à la France de ne plus avoir un président qui, comme un monarque absolu ou un dictateur contemporain de la pire espèce, pouvait décider de la vie et de la mort d'un homme. Le 26 août 1981, en Conseil des ministres, le projet de loi est adopté. La peine de mort n'existe plus dans ce pays, la loi d'Italie non plus. La France vient d'entrer dans la modernité. Et Robert Badinter s'exprime sur France Inter. Oui, le texte est d'une très grande concision. Article 1er, la peine de mort est abolie. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous allez à l'encontre de l'opinion actuellement en proposant ce texte au Parlement, vraisemblablement à la mi-septembre? Le croyez-vous? Le président de la République s'est prononcé très clairement en faveur de l'abolition. Les Français l'ont élu. Puis une majorité de gauche l'a emporté aux élections. dans le programme de cette majorité était inscrit en clair l'abolition de la peine de mort. Par conséquent, il ne peut y avoir là aucune surprise. Ça s'appelle la volonté politique. Et rendez-vous est fixé, l'Assemblée nationale se prononcera 3 semaines plus tard, les jeudis 17 et vendredi 18 septembre 1981. La France rejoindra alors, et enfin, le long cortège des pays occidentaux qui se sont débarrassés de ce rite moyenâgeux depuis belle lurette. Mieux vaut tard que jamais. Je vous souhaite un bon jeudi, vous êtes à l'écoute de France Inter, voici le journal avec Pierre Veille. La peine de mort est abolie, c'est le premier article du projet de loi préparé par le ministre de la Justice, Robert Badinter, un texte qui sera examiné à partir de cet après-midi, 15h, par les députés. Les débats devraient durer 48 heures et seront retransmis intégralement en direct sur FR3, c'est une première. Jeudi 17 septembre 1981, 7h du matin, Boulogne-Billancourt. Marcel Chevalier éteint la radio et sort de chez lui, comme tous les matins à cette heure-là. Il va au travail dans une imprimerie de Montrouge. 60 ans, grand, massif, visage rouge et cheveux blancs, il porte un pardessus noir et un chapeau. C'est un homme élégant, intimidant même. Il marche vers le métro. Ce matin semble être un matin ordinaire. Pourtant, la loi qui va être votée à l'Assemblée, dans la journée même, va changer sa vie. Devant le métro, il y a un kiosque. Tous les quotidiens font leur une sur le débat qui s'engage. Le matin, titre « La peine de mort à l'Assemblée, la victoire des abolitionnistes ». Le Figaro annonce « Les Français contre l'abolition ». Et Libération, peine de mort pour la guillotine. Marcel Chevalier achète le Figaro, comme d'habitude. En revanche, ça n'est pas dans son habitude, mais cette fois, il achète également Libération, parce que dans ce journal, il y a un article sur lui. Le titre, « Le bourreau à un ouvrier d'imprimerie tranquille ». Pour 3650 francs et 14 centimes par mois, Marcel Chevalier est le bourreau de la République. Et parce que ce n'est pas un métier à plein temps, il travaille à l'imprimerie de Montrouge, où il a gagné le surnom de « coupeur de tête », bien sûr. Alors parfois, pour s'amuser, il attrape ses collègues par le col et il leur dit « Ouh, vous avez un joli coup, vous ». C'est là qu'on apprend que le népotisme sévit chez les bourreaux, car l'homme dont nous parlons est le gendre du bourreau précédent. Son beau-père a été contraint de céder son poste. Avec la maladie de Parkinson, ses tremblements étaient devenus problématiques dans le maniement de la guillotine. Un coup a raté son coup, enfin, celui des condamnés. Chevalier, devenu unique bourreau en France, a exécuté 2 hommes, Jérôme Carin et Amina Djandoubi. Quelques jours avant ce 17 septembre 1981, 2 journalistes de Libé viennent chez lui. Alors il leur confie son sentiment. La peine de mort, je suis pour, bien sûr. Professionnellement, l'argument tient, c'est vrai. Ça vous fait quelque chose, lui demandent les journalistes, quand vous leur coupez la tête ? Pas du tout. Vous croyez que ça leur fait quelque chose, eux, quand ils tuent des enfants ? Non, jusqu'au bout, ils ne regrettent rien. Je les connais. Les journalistes lui font remarquer qu'il n'a pas beaucoup de temps pour les connaître, les condamner à mort. Marcel Chevalier se vantait en effet de les tuer en 7 secondes. Alors il reprend, bougon. Oh, moi, vous savez, je ne suis qu'un instrument. J'obéis aux ordres. Le bourreau lit le Figaro. Et ça tombe bien d'ailleurs, le journal annonce fièrement les résultats d'un sondage, 62% des Français sont pour la peine de mort. L'avocat Georges Kijman, partisan et courtisan de François Mitterrand, réagit sur France Inter. Quelqu'un qui répond à un sondage, c'est quelqu'un pour qui le problème de la peine de mort est abstrait. Il n'imagine pas un seul instant que lui ou des membres de sa famille pourraient s'identifier avec les auteurs d'un crime. Lorsque cette personne qui s'est déclarée favorable à la peine de mort devient un juré d'assises, les choses sont déjà beaucoup plus compliquées. Les peines de mort sont encourues dans des dizaines et des dizaines d'affaires chaque année et elles sont très rarement prononcées. Pourquoi ? Parce qu'un sondé qui est devenu un juré est tout d'un coup en face d'un criminel qui, bien sûr, lui est très éloigné par l'horreur du crime qu'il a commis, mais qui malgré tout lui ressemble comme un frère, car c'est un homme lui aussi. Et au fur et à mesure que les heures du débat s'écoulent, eh bien le juré sent cette proximité qu'il conserve avec le criminel et il hésite à prononcer la peine de mort. « Tous les sondages des dernières années montrent qu'une majorité de Français sont pour la peine de mort. Certains considèrent que les pires criminels ne méritent que ça. D'autres qu'il est trop risqué de les laisser ressortir de prison, vivants en tout cas. D'autres encore calculent combien coûterait leur détention de très longue durée. De quoi laisser rêver en vous rêveur le brave ouvrier qui travaille à l'usine, écrit l'Aurore, par exemple, en ce 17 septembre. Et parmi cette majorité, il y a une femme décidée à ne jamais changer d'avis. Elle s'appelle Germaine Crapier. Son fils et sa belle-fille ont été assassinés 3 ans plus tôt. L'assassin a été condamné à la peine capitale, mais il n'a pas été exécuté, François Mitterrand ayant promis de gracier les condamnés à mort. Il est 11h, en ce jeudi 17 septembre, quand Bruno Frappa, journaliste au Monde, sonne à la porte de Germaine Crapier au dernier étage d'un HLM de Bagneux. Elle a la soixantaine, elle est avec son petit-fils de 17 ans qui a perdu ses deux parents. Celui qui tue par le glaive périra par le glaive, dit la grand-mère. Ils n'ont qu'à lire la Bible. Cette femme se bat pour que l'assassin de son fils soit guillotiné. Ils peuvent toujours abolir la peine de mort, poursuit-elle. Pour moi, elle ne sera jamais abolie. Et la perpétuité, lui demande le journaliste. C'est l'histoire de 5 ans, la perpétuité. Vous savez, ils sortent pour tuer de nouveau. Bien. Et si c'était sans remise de peine, insiste le journaliste. Ah là, d'accord, répond la femme. Mais à condition qu'on les prive de tout plaisir. Par exemple, celui de fumer. Son petit-fils prend le relais d'une voix douce. La douleur ne peut pas s'atténuer. Je suis et je serai toujours pour la peine de mort. Et Germaine Crapier ne le sait pas, mais ce jour-là, la mère de l'assassin répond aussi à l'entretien. Pour la croix. Souvent, dit cette femme, je me dis, si mon fils était exécuté, est-ce que ma douleur allégerait la leur ? Je suis bien sûr que non. Non, je ne suis pas pour la peine de mort. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit. Alors que cette femme conclut son entretien et que Germaine Crapier raccompagne la journaliste du Monde à la porte, devant les grilles de l'Assemblée, une foule attend patiemment. Comme on ferait la queue pour aller au cinéma. Antenne 2 interroge quelques-unes de ces personnes. Je suis pour la peine de mort, si ça me touchait de près. À froid, non, effectivement, c'est pas très sain. Mais par contre, je suis pour un débat sur la peine de mort, alors que les gens qui tuent n'en débattent pas tellement. Et je suis contre les critères d'appréciation de la peine de mort. Le crime particulièrement horrible, tous les crimes sont horribles à mon avis. Moi je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins. Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort? Oui, parce qu'on les condamne à 25 ans, 30 ans, et au bout de 15 ans, 20 ans, ils sortent. La présentation du projet de loi est prévue pour 16h. Robert Badinter est accompagné de sa femme, Elisabeth Badinter, et de son plus proche collaborateur, François Binet. Elle et lui l'ont toujours accompagné au procès. Et ce jour-là, il est naturel qu'il soit là. Et lorsqu'ils entrent, c'est tout l'hémicycle qui murmure. Dans les travées, presque tous les députés sont là. Communistes, socialistes, UDF et RPR. Au-dessus d'eux, au balcon, entre de grandes colonnes blanches, les tribunes du public sont pleines. Et comme au théâtre, les visiteurs assis au premier rang se penchent sur la rambarde bordée de coussinets pour voir, en dessous d'eux, les parlementaires s'agiter. Elisabeth Badinter et François Binet rejoignent les tribunes. Robert, lui, s'assied sur le banc des ministres. Puis une sonnette retentit. Tout le monde gagne sa place, l'Assemblée se met en ordre. C'est comme aux assises, se dit Badinter. Et puis, on entend un roulement de tambour. Christian Nucci, le président de séance, monte au perchoir. L'Assemblée se tait. L'examen du projet de loi portant abolition de la peine de mort peut commencer. Et comme on appelle un témoin à la barre, Christian Nucci invite à la tribune le rapporteur de la loi, un jeune député socialiste du nom de Raymond Forny. Il s'avance, monte les quelques marches qui mènent au pupitre, juste en dessous du perchoir du président, et entame devant l'hémicycle les 2 journées d'examen du projet de loi. Jamais nos discussions n'auront revêtu un tel caractère exceptionnel. Jamais nous n'aurons senti d'aussi près le frisson de l'histoire. Rarement nous n'aurons mesuré le poids de notre responsabilité. Et pourtant, tant de grandes voix se sont élevées ici. tant d'écrits admirables nous sont parvenus. Nous avons la certitude, mes chers collègues, qu'à présent, tout a été dit et qu'il nous appartient de conclure. Le frisson de l'histoire, comme l'appelle Forni, est diffusé en direct et en intégralité à la télé. Alors, peu après 16 heures, les Français devant leur poste entendent le président de séance remercier Forni et appeler à la tribune l'intervenant suivant. La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, Robert Badinter se lève, il croise Forni qui regagne sa place, il lui lance un sourire. Il monte les marches, parvient à la tribune, ajuste les micros du pupitre. Il a la gorge sèche et le sourcil broussailleux. Il regarde l'assemblée et se lance. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'en peut être ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. France Inter. Affaires sensibles. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter n'est pas un habitué de l'Assemblée. Il plaide l'abolition depuis des années dans les cours d'assises et les médias. Mais il le sait, on ne parle pas de la même façon au Parlement. Quelques jours plus tôt, il a donc sollicité le conseil d'un homme qui, lui, est un habitué de l'Assemblée. Il a été député, sénateur, ministre. Cet homme, c'est François Mitterrand qui lui a donné ce conseil. Méfiez-vous seulement de vous-même. Vous êtes un passionné. Ce n'est pas de mise au Parlement. Et surtout, rappelez-vous toujours que dans une assemblée, les parlementaires sont chez eux. Comme ministre, vous êtes leur invité. Donc, ils peuvent vous brancarder, vous attaquer, vous lancer mille flèches. Même transformé en Saint-Sébastien, ne vous laissez jamais aller répondre sur le même ton. En revanche, on vous pardonnera tout si vous savez faire rire au détriment de votre adversaire. Mais jamais, jamais de colère, jamais de fureur. Muni de ce viatique présidentiel, le ministre s'en est allé écrire son discours. Ce texte, racontera-t-il plus tard, ne me coûta ni effort ni angoisse. Les phrases s'alignaient presque spontanément sous la plume. La France est grande parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Tous les députés écoutent avec attention le discours du garde des Sceaux. Certains le haïssent, ils le détestaient avocat, ils l'exècrent ministre. Alors son discours est entrecoupé d'invectives. Il parle depuis plusieurs minutes, il rappelle que l'abolition est un combat engagé aux prémices de la République en 1791 à l'Assemblée constituante, quand une voix s'élève des bancs des députés, celle d'Albert Prochard, un UDF qui dit « On sait ce que ça a coûté en Vendée, silence les chouans, rétorque-t-on côté socialiste. Même si les Vendéens ne sont pas des chouans, mais c'est l'intention qui compte. » Pendant que le président de l'Assemblée, lui, tape toujours du marteau. Puis Robert Badinter salue la mémoire de Jean Jaurès, qui en 1908 avait soutenu l'abolition à la même tribune. « Il est trop commode, avait-il dit, de trancher le problème avec un couperet, de faire tomber la tête dans un panier et de s'imaginer qu'on en a fini. C'est trop commode de créer ainsi un abîme entre les coupables et les innocents. Nous sommes tous solidaires, de tous les hommes, même dans le crime. » L'évocation même du nom de Jaurès, la droite a une première crise d'urticaire. « Quoi ?» reprend Badinter rageur. « Il y a des noms qui vous gênent encore. »« Provocateur !» lui répond Michel Noir, député RPR. Le président redonne du marteau. « Messieurs de l'opposition, dit-il, je vous en prie, Jaurès appartient à l'histoire de notre pays. » Les bancs à gauche applaudissent, pendant qu'à droite on lance, mais pas Badinter. À l'Assemblée, en ce 17 septembre 1981, c'est l'acte final de deux siècles de débats. Et de la première constituante jusqu'à Jaurès, les grands acteurs de ce combat sont discutés comme s'ils étaient encore là. Parce que 190 ans après la constituante et 73 ans après Jaurès, les arguments n'ont pas changé. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronée. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer. Dans la tête du garde des Sceaux, ces journées de septembre 81 déterrent le spectre du 28 novembre 72. Le jour où, à la prison de la Santé, à 4 heures du matin, en catimini tant on a honte de ce qu'on fait, Roger Bontemps a été guillotiné avec son complice, Claude Buffet. Alors Badinter s'est juré que plus jamais il n'accepterait une justice meurtrière. Ensuite, il a été l'avocat de 6 hommes accusés de meurtre. Et chaque procès s'est transformé en tribune. Le plus célèbre, c'est celui de Patrick Henry en 1977. Cet homme avait tué un enfant, il était l'incarnation du diable. Pendant l'enquête, il avait déclaré devant les caméras de télé « Celui qui a tué le gosse, il mérite la peine de mort. » Alors, indéfendable ? Jamais. Un matin, dans les couloirs de France Inter, après le 7-9, en 2008 je crois, Robert Badinter m'avait confié, s'imitant lui-même avec les gestes et le ton. Je crois qu'en cour d'assises, ma plaidoirie pouvait être une épreuve pour les jurés, car je m'approchais d'eux pour argumenter. À quelques centimètres de leur visage, je leur ai dit lors du procès de Patrick Henry, si vous croyez en la peine de mort, c'est le moment. En revanche, si vous n'y croyez pas, c'est aussi le moment. Si vous décidez de tuer cet homme, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin, à l'aube, et je me dirai que c'est vous, et vous seul, qui avez décidé de le tuer. Fin de citation. Convaincus et impressionnés également par la force rhétorique de l'avocat, les jurés ont décidé de ne pas condamner Patrick Henry à la mort, mais à la réclusion criminelle à perpétuité. Après cette affaire, Badinter a sauvé la vie de 5 autres meurtriers. Alors à droite et à l'extrême droite, il est devenu le complice des assassins. Maître Badinter, écrit Minute, ne se contente pas de défendre les assassins et les voleurs, il les aime. L'association Légitime Défense a même proposé d'ériger une statue de Mérine devant le ministère de la Justice. Mais en ce 17 septembre 81, c'est l'accomplissement du combat de Badinter. Dans un discours de presque une heure et demie, après avoir démonté un à un tous les arguments en faveur de la peine de mort, il conclut. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie. Robert Badinter quitte la tribune sous les applaudissements du public et des députés de gauche qui tous se sont levés. Et sous les applaudissements également de quelques députés de droite qui voteront l'abolition de la peine de mort, entraînés par Jacques Chirac. Dans les rangs des députés UDF, alors que le garde des Sceaux retourne sur le banc des ministres, le député Marcel Bigard, un général, il était en Indochine et en Algérie, où on l'accuse d'avoir pratiqué la torture, se tourne vers ses voisins. Celui-là, dit-il, c'est un fortiche. Quand les Viet m'ont condamné à mort en Indochine, j'aurais bien aimé l'avoir comme avocat. Tout général qu'il est, il n'était peut-être pas assez armé pour comprendre le discours de Robert Badinter, qui n'était pas une plaidoirie, justement. C'était, dit le ministre de la Justice, une sorte d'ultime appel, au-delà de l'hémicycle, à libérer notre justice de l'emprise de la mort. Celui qui s'adressait ce jour-là aux députés n'était ni le ministre ni l'avocat, mais le militant passionné d'une grande cause qui triomphait enfin. Voilà, la guillotine vit ses derniers instants. France Inter fait de l'événement une émission spéciale à 19h. qu'on ne s'y trompe pas, ça n'est pas un débat politique qui s'est ouvert cet après-midi à l'Assemblée, c'est un débat de conscience. La question posée aux députés dépasse largement les problèmes d'étiquette ou de clan. Il s'agit de savoir si on va continuer en France à couper les criminels en deux. Plus qu'un débat, c'est un procès avec son décor, inhabituel mais bien planté, salle d'audience, l'hémicycle du Palais Bourbon, dans le box des accusés, la guillotine, l'avocat général Robert Badinter, avocat de la Défense, les quelques députés qui demeurent partisans de la peine de mort, combien sont-ils ? C'est le seul mystère, car l'issue du vote ne fait pas l'ombre d'un doute. Demain soir, la peine de mort sera abolie. Après le discours de Robert Badinter, le président de l'Assemblée, l'homme au marteau, appelle à la tribune Pascal Clément, député UDF. Lui est pour la peine de mort. Et c'est lui qui pose la question préalable, autrement dit, la proposition qui permet, si elle est adoptée, de refuser immédiatement la loi sans même l'avoir débattue. Pour Pascal Clément, l'abolition ne peut pas être débattue parce qu'elle doit être adoptée par référendum. Oh, le calcul est simple. La majorité sociologique ne correspondant pas à la majorité politique sur la question de la peine de mort, le non sortait favori. Mais ce n'est pas un député de la majorité qui demande à ce que cette question soit rejetée. Non, c'est un député de droite. Et c'est Philippe Séguin qui monte à son tour à la tribune. Surtout, mes chers collègues, surtout évitons de chercher à tout prix à désigner des vainqueurs et des vaincus. Ayons le courage, les uns et les autres, de reconnaître que la générosité, la noblesse de sentiment ne sont pas le privilège de l'un ou l'autre camp. Que le respect de la vie, le souci de la paix sociale sont des préoccupations dont on peut bien admettre sans déchoir qu'elles sont partagées. Les abolitionnistes ne sont pas des irresponsables et leurs adversaires ne sont pas des monstres. Séguin, lui aussi, est un abolitionniste. D'ailleurs, ni le RPR, ni l'UDF n'avaient donné de consigne de vote. Non, les députés pouvaient voter selon leur conscience, comme en 75, lors de la loi sur l'avortement. Et c'est rarissime. Et parmi l'opposition, certains se sont exprimés pour l'abolition. C'est le cas de Jacques Chirac, de François Fillon et de Jacques Toubon, notamment. La soirée est bien entamée, les interventions de 49 députés sont prévues, ça fait 8 heures d'audience. 4 pour la majorité, 4 pour l'opposition. Et les uns après les autres, défenseurs et pourfendeurs de l'abolition, se succèdent à la tribune. C'est la gauche qui a le premier mot. À l'UDF, le député Gilbert Gantier ne peut retenir qu'un... que messieurs, les assassins commencent. Les téléspectateurs les plus insomniaques assistent alors, jusque tard dans la nuit, au défilé des abolitionnistes et des partisans de la peine de mort. Et les victimes, martèlent les opposants. Et la peine de substitution et les meurtres d'enfants. Il est paradoxal que le seul métier qui ne comporte pas de risque d'accident mortel soit celui des assassins, dit Roland Nugesser, au RPR, par exemple. À 2h du matin, le président suspend la séance dans un hémicycle presque vide. Suite des débats, le lendemain à 10h. France Inter fait le point dans sa matinale. Bonjour, la peine de mort abolie, c'est donc pour cet après-midi, du moins chez les députés. Les députés n'ont pas beaucoup dormi, et vous non plus d'ailleurs, si vous les avez regardés hier soir sur FR3, une véritable discussion marathon. Le point sur place avec Michel Lemerle. Les passions étaient un peu retombées ce matin au Palais Bourbon et les bancs étaient plutôt clairsemés, aussi bien d'ailleurs du côté du public que des députés. La discussion générale est pratiquement terminée, il ne reste plus que quelques orateurs encore inscrits dans ce débat. Ce sera ensuite la discussion des amendements, qui sera surtout centrée autour de ceux qui proposent des peines de remplacement à la peine de mort, qui, personne n'en doute, sera abolie. Il sera en tout cas intéressant tout à l'heure d'examiner dans le détail la répartition des voix. Le vendredi 18 septembre, les interventions reprennent jusqu'à 16h30. Au bout du compte, 49 orateurs sont passés et 27 amendements ont été déposés. La plupart demandent une peine de substitution ou que la peine de mort soit conservée pour certains crimes, ce qui dénaturerait totalement l'esprit de la loi, ce que la droite a bien du mal à comprendre. Elle qui propose aussi que la peine capitale ne soit abolie que pour quelques années. Mais le gouvernement l'avait annoncé, la loi ne souffrira pas d'amendement ni d'exception. L'article premier est simple, la peine de mort est abolie, point barre. Être fidèle à la pensée de Victor Hugo en 1848, voilà ce que veut le garde des Sceaux. L'abolition doit être pure, simple et définitive. Alors tous les amendements sont rejetés et il est temps de voter. D'abord pour chacun des articles, puis pour l'ensemble du projet de loi. Pierre Joxe et Jacques Toubon, président du groupe PS et RPR, formulent la même demande, que le scrutin soit public. À la tribune, il y a un petit boîtier. Ceux qui sont pour l'abolition appuient sur le bouton marqué de la lettre P. Ceux qui sont contre appuient sur le bouton C. Et ceux qui s'abstiennent appuient sur le bouton A. Pour le symbole, le groupe PS a laissé la présidence à Philippe Séguin, vice-président de l'Assemblée. Et par ordre alphabétique, le député des Vosges appelle ses collègues à descendre de leur travée et à monter la tribune pour voter, là, juste en face de Robert Badinter, qui le regarde passer. Alors, les parlementaires se succèdent lentement. Et après le dernier d'entre eux, Jean Succarelli, député PS de Corse, une sonnerie retentit, le scrutin est clos. Philippe Séguin prend la parole. Personne ne demande plus à voter. Je répète, personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin sur l'ensemble du projet de loi portant abolition de la peine de mort. Nombre de votants, 486. Suffrages exprimés, 480. Majorité absolue, 241. Contre, 117. Pour, 363. L'Assemblée nationale a adopté. À 19h28, ce vendredi 18 septembre 1981, le panneau électronique au-dessus du perchoir affiche les résultats. Robert Badinter les regarde fixement. La loi est adoptée. Le ministre de la Justice sourit. On se presse pour lui serrer la main, pour le féliciter. Le scrutin était joué d'avance, mais cela n'empêche pas l'émotion. Parmi les députés RPR et UDF, 31 ont voté l'abolition. Michel Barnier, Jacques Chirac, François Fillon, entre autres. Robert Badinter se tourne alors vers son directeur de cabinet, André Braunschweig. Il l'embrasse, émeut. Puis il croise Philippe Séguin dans les couloirs, il se serre la main de longues secondes. Elisabeth Badinter et François Binet retrouvent le héros du jour et pour toujours. Ils sortent ensemble par les jardins de l'Assemblée. Il faisait doux, écrit Robert Badinter. C'était une belle soirée de septembre. It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I am told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. And like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lied, and the mercy seat is waiting. Vous écoutez France Inter, affaire sensible aujourd'hui, le jour où la France abolit la peine de mort, 18 septembre 1981, date dont nous allons parler avec notre invité Jean-Yves Le Naour. Bonjour. Bonjour. Historien, documentariste, scénariste, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Histoire de l'abolition de la peine de mort, 200 ans de combat » chez Perrin en 2011. Alors, d'abord, la France est le 39e pays à avoir aboli la peine de mort, mais c'est surtout l'un des derniers en Europe occidentale à l'avoir fait. La France, qui se prend toujours pour le pays des Lumières et des droits de l'homme, pourquoi un tel retard ? Ah, pourquoi un tel retard ? Voltaire disait « Les Français arrivent tard à tout, mais enfin, ils arrivent ». Et vraiment, cette phrase s'applique parfaitement à la question de l'abolition. Alors pourquoi un tel retard ? C'est qu'en fait, la France a une histoire particulière. C'est une histoire faite de violence. C'est une histoire, regardez, au XIXe siècle. Quatre révolutions, celle de 1789, de 1830, de 1848, la Commune. Vous avez ensuite, au XXe siècle, deux guerres mondiales, et puis la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que la peine de mort, ce n'est pas seulement pour punir quelques méchants. Ce ne se passe, c'est pas seulement pour les délits de droit commun. C'est aussi un instrument de gouvernement très utile pour se débarrasser de ses adversaires politiques. Dans toute notre histoire, jusqu'aux années 60, on a utilisé la guillotine, ou les cours martiales, hein, donc les fusillades, pour éliminer ses adversaires politiques. Le dernier exécuté politique en France, c'est 1963. C'est Bastien Thierry qui a tiré sur le général de Gaulle. Donc la peine de mort, ça a été utile pour des raisons politiques. Et voilà, on a une histoire qui est une histoire de guerre civile depuis 1789, et la peine de mort a été utile dans cette guerre civile. Quand le combat pour l'abolition de la peine de mort a-t-il commencé ? On dit 200 ans, mais est-ce qu'on a une date de référence, ou un personnage de référence, ou un discours de référence ? Ah, tout à fait. On a un personnage de référence qui n'est pas français. Enfin, encore que, on parle toujours de Cesare Beccaria. Cesare Beccaria a écrit un ouvrage en 1764. Qui s'appelle, traduit en français en 1766, qui s'appelle le traité du délit et des peines. Mmh. Et ça a été commenté énormément par les philosophes. Mais en réalité, quelques années plus tôt, un Français, en 1755, avait déjà écrit contre la peine de mort. Mais il n'a pas eu l'aura et le développement intellectuel de Cesare Beccaria, qui, dans son ouvrage, disait que la peine de mort était ni juste, ni utile. C'est-à-dire qu'il ne se fondait pas sur des arguments moraux, mais se fondait sur des arguments de l'ordre de l'efficacité. C'est en quelle année, me dites-vous, en quelle année ? 1764. D'accord. Donc, avant la Révolution, est-ce que ces idées-là ont irrigué les idées de la Révolution ? Oui, bien sûr. Elles ont irrigué les idées de la Révolution. En 1791, on a commencé à écrire un nouveau code pénal. Il faut voir l'esprit que les philosophes des Lumières désapprouvaient la torture, et puis également trouvaient que les crimes n'étaient pas proportionnés, les peines n'étaient pas proportionnées. C'est-à-dire que la peine de mort, elle valait dans 115 cas avant la Révolution. Vous volez un mouchoir à votre maître, vous êtes domestique, vous voulez un mouchoir, peine de mort. Vous êtes homosexuel, peine de mort. Vous blasphémez, peine de mort. Vous êtes homosexuel, etc. Vous coupez un arbre dans un bois qui appartient au roi, peine de mort, etc. La Révolution, elle a réduit énormément le champ de la peine de mort. Mais au moment où on s'est posé la question, est-ce qu'on garde la peine de mort ou pas, finalement, elle a été conservée. Alors, Victor Hugo, forcément, dans tous les combats humanistes, comme Lamartine d'ailleurs, étaient tous les deux abolitionnistes. Est-ce qu'ils étaient des marginaux dans leurs convictions et surtout pour leur époque ? Pas tout à fait, parce que dans le camp républicain, l'abolitionnisme est très fort. C'est-à-dire que ceux qui défendent un pouvoir absolu ont besoin d'une justice absolue. Ont besoin d'avoir le pouvoir absolu et la justice absolue vont de pair. Mais oui. Surtout quand la justice, et d'ailleurs, regardez encore aujourd'hui la carte du monde, si on accepte effectivement les États-Unis, et encore, tous les États aux États-Unis ne pratiquent pas la peine de mort, on voit bien que toutes les dictatures dans le monde, tous les pouvoirs absolus utilisent la peine de mort. La Chine, numéro un, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est pour le trio de tête. Donc, le pouvoir absolu a besoin d'une justice absolue. Et donc les républicains, alors là, donc là on a les porte-flambeaux, on se souvient effectivement de Victor Hugo qui prend la parole en 1848, en septembre 1848, hein, au moment de la Révolution, qui crée cette seconde République, qui installe le suffrage universel, etc. Victor Hugo, il avait d'abord écrit Claude Gueux sur l'exécution d'un individu, sur le dernier jour des condamnés, Claude Gueux, et puis sur les derniers jours d'un condamné, où il racontait effectivement les derniers jours d'un condamné à mort. Et il avait cette idée que à l'époque on pensait qu'il fallait être dur, avec le peuple, hein, le tenir en respect. Il y a un côté aussi social, vous avez parlé du politique tout à l'heure, mais c'est également lié. Et Victor Hugo disait, mais non, vous n'avez pas à couper les mauvaises têtes. Éduquez-les et vous n'aurez plus jamais à les couper. Alors, avant le débat de 81, puisqu'on reprend le fil de 200 ans de débat autour de la peine de mort, donc avant 81, le précédent débat, le grand débat de l'Assemblée, je crois, a eu lieu sous la Troisième République. En 1908, il opposait Jean Jaurès, socialiste bien sûr, au nationaliste Maurice Barrès. Alors, que manquait-il alors pour que l'abolition soit adoptée? Parce qu'on est allé assez loin dans le débat. Ah, effectivement, il ne manquait pas grand-chose, parce qu'à l'époque, il y a une majorité républicaine radicale, on va dire de gauche, élue en 1906. Il y a un président qui est abolitionniste, d'ailleurs il gracie systématiquement tous les condamnés. Il n'y a aucun condamné en 1906, ni en 1907, ni en 1908, enfin aucun exécuté. Mmh. Vous avez un premier ministre, président du conseil, qui est Clémenceau, qui est abolitionniste, un ministre de la justice qui est abolitionniste. Donc il y a toutes les conditions sont réunies. Et en fait, l'abolition n'aura pas lieu, elle n'aura pas lieu parce qu'il va y avoir un fait divers, c'est l'affaire Soleillan, qui va être montée en épingle par les adversaires de la peine de mort. Alors cette affaire Soleillan, on dit Albert Soleillan, il avait violé et tué une jeune fille, une fillette de 11 ans, je crois, et voilà, c'était un crime atroce qui avait ému l'opinion, mais on s'en était servi, si vous voulez, dans l'opinion rétentionniste, ceux qui voulaient conserver la peine de mort, on s'en était servi, on avait ça faisait la une des journaux, il y avait une pétition pour conserver la peine de mort, qui avait réuni 1 million quand même de signatures dans le Petit Parisien. Donc oui, ça a été un grand tapage, ce qui fait que quand le débat est arrivé, finalement, il était sous les feux d'une opinion qui pesait sur les députés. Et au moment du vote, effectivement, bien, les députés ont voté majoritairement pour le maintien de la peine de mort. Et il faudra attendre 1981 pour avoir le prochain débat. Vous voyez, entre 1908 et 1981, l'histoire met parfois beaucoup de temps. Et pourquoi, justement, n'y a-t-il pas de débat pendant ce long laps de temps? Et d'ailleurs, je me dis, pourquoi le Front Populaire, qui est passé par là, dans ce laps de temps, ne s'est-il pas saisi de cette question? On aurait pu voir une certaine logique, un Front Populaire monter au créneau sur cette question. Ça aurait pu lui ressembler. Exactement, ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que quand on est en 36-38, d'ailleurs la raison d'être du Front Populaire, c'est d'être un front antifasciste. Vous avez Hitler de l'autre côté, bientôt vous avez Franco au sud et vous avez Mussolini au sud-est. Et il y a les bruits de bottes qui montent. Et, oui. Et à partir de 1914, on n'entend plus parler des abolitionnistes. Il y en a encore des abolitionnistes, mais ils sont inaudibles. Parce que vous voyez, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des centaines de milliers de Français qui meurent, qui sont d'honnêtes patriotes, d'honnêtes citoyens. Comment osez-vous aller défendre la vie de quelques criminels en prison? C'est inaudible. Eh bien, ensuite, quand vous avez les bruits de bottes, quand la guerre revient, qu'elle pèse comme ça, comme une épée de Damoclès, c'est pas non plus possible de se battre pour l'abolition. Et ensuite, vous avez la Seconde Guerre mondiale, et puis après, vous avez encore des conflits coloniaux, l'Indochine, et puis l'Algérie. L'épuration, hein, bien sûr, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et puis l'Algérie, ce qui fait qu'il a fallu attendre les années 60 pour que la France sorte de la guerre, culturellement de la guerre, pour qu'elle devienne un pays en paix et qu'elle puisse enfin se dire que c'est maintenant, c'est possible d'abolir. Et effectivement, les sondages en 1962, en 1969, montrent que les Français sont favorables à 60% à l'abolition de la peine de mort. Le problème, c'est qu'à l'époque, on est, et j'en reviens à votre première question, on est dans la Ve République, où tout dépend d'un homme, de la vie d'un homme, le président de la République. Et De Gaulle, comme Pompidou, comme Giscard d'Estaing, sont des souverains républicains qui n'ont pas voulu se départir d'un attribut de souveraineté tel que le droit de grâce, tel que la peine de mort. Ils n'ont jamais voulu poser cette question aux parlementaires. Il a fallu attendre qu'un président élu soit abolitionniste et pose la question aux parlementaires. Enfin, pour que la France puisse abolir après tous les autres. Ben, voilà, c'est lié à notre histoire et aussi à nos institutions. Oui, mais il y a quand même peut-être un clivage purement politique entre la droite et la gauche. Il semble que, à travers les âges, si je puis dire, à travers les dernières décennies, la droite était plutôt arithmétiquement, majoritairement pour la peine de mort et la gauche contre la peine de mort. Est-ce que l'appartenance à la droite de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, alors qu'ils sont des démocrates éclairés, évidemment, mais est-ce que leur appartenance au camp de droite peut expliquer aussi le fait qu'ils n'aient pas aboli la peine de mort ? Écoutez, effectivement, il y a un clivage gauche-droite. Mais il n'y a pas que cela. Vous l'avez répété vous-même dans votre émission. Jacques Chirac a voté contre. Oui, bien sûr. Pierre Bas, Berastasi, Philippe Seguin. Donc, il n'y a pas que ce clivage. Il y a aussi des catholiques qui disent c'est absolument impossible de pratiquer la peine de mort. Quand on est catholique, on ne peut pas accepter ça. D'ailleurs, l'Église a mis beaucoup de temps, mais en 78, elle s'est engagée contre la peine de mort. En 78, bon. Donc, il y a effectivement ce clivage, mais il n'y a pas que ça. En réalité, très nettement, pour Giscard d'Estaing, comme pour Pompidou, il y a la question de l'opinion. Ils ne croient absolument pas au pouvoir exemplaire de la peine de mort. Ils savent très bien que c'est inefficace, que ça ne sert à rien. Mais l'opinion y est favorable dans les sondages. Regardez Pompidou, quand il est élu en 1969, il commence par gracier les condamnés. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a la prise d'otage de Clairvaux en 71 qui révolte l'opinion. Du fait bon temps. Favorable. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne gracie pas. Et on voit bien que c'est l'opinion, les sondages. Voilà, il ne faut pas lutter contre l'opinion. Il faut donner raison à l'opinion. Donc la seule façon de sortir de cet engrenage, on pense à l'abolition de la peine de mort, mais il y a un fait divers qui arrive au milieu et qui nous fait reculer. La seule solution, c'était effectivement d'abolir la peine de mort. François Mitterrand était un abolitionniste. On n'imagine pas quelqu'un abolir la peine de mort sans être abolitionniste lui-même. On a dit que c'était un acte de courage lorsqu'il s'est prononcé contre la peine de mort au mois de mars, dans une émission politique. Il y a un vrai acte de courage politique pour le coup, et ça montre que finalement on fait les choses, on arrive à faire les choses que parce qu'on appelle une volonté politique qui doit aller au-delà de l'opinion. Oui. En cela, effectivement, c'est un acte de courage, parce que, comme il le dit, je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Donc, il se présente devant les Français, et il voit que les Français sont hostiles en majorité à cette réforme. Et il n'est pas démagogue. Il affronte, effectivement, l'opinion. Et en cela, c'est un acte de courage. Mais attention, François Mitterrand a évolué sur cette question. Il n'était pas abolitionniste au départ. Quand il était ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie, quand il était garde des Sceaux sous Guy Mollet, il n'a rapporté défavorablement des dizaines et des dizaines de condamnations de grâce présidentielles. Mais à l'époque, il était dans l'esprit de... Voilà, la peine de mort existait, et comme beaucoup, il croyait à son pouvoir. Il a reconnu devant le journaliste Jean Lacouture avoir fait une erreur dans sa vie. Il était modeste, il en a peut-être eu d'autres, mais il disait « j'ai au moins fait une erreur dans ma vie, c'est celle-là ». C'est de ne pas avoir été abolitionniste plutôt. Oui. Mais il venait d'une culture de droite. Bien sûr, mais il a évolué là-dessus comme sur bien d'autres choses, ce qui fait aussi la grandeur du bonhomme, savoir... évoluer. Jean-Yves Le Naour, merci infiniment pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés en tant qu'historien sur cette longue histoire de l'abolition de la peine de mort. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort en France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamin. C'est puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Adrien Cara, Adrien Mora, Odile Conseil, Romain Weber et Bertrand Rotet. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Valentine Chédebois. Lecture, Aurélien Labruyère et Philippe Pirard. Réalisation Marion Lelay, Lauriane Toulmont et Stéphane Combe. Et puis, si je puis me permettre, laissez-moi vous rappeler que si vous aimez l'atmosphère d'Affaires Sensibles, vous pouvez la retrouver au théâtre Tristan Bernard, où avec ma partenaire Clémence Tioli, nous racontons trois histoires mises en scène et en lumière par Éric Théobald. C'est tous les mardis à 19h, le samedi à 16h30 et le dimanche à 18h. C'est un authentique rendez-vous des auditeurs de France Inter qui se retrouvent sans se connaître après le spectacle et qui discutent. Alors, au plaisir de vous y retrouver dès demain, par exemple, à 16h30.